Genèse chapitre 28. Isaac donc appela Jacob, et le bénit, et lui commanda, en disant, « Tu ne prendras point de femme d'entre les filles de Chanaan. Lève-toi, va en Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi de là une femme des filles de Laban, frère de ta mère. Et le Dieu fort, tout-puissant, te bénisse, et te fasse croître et multiplier, afin que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à la postérité avec toi, afin que tu obtiennes en héritage, le pays où tu as été étranger, lequel Dieu a donné à Abraham. » Isaac donc fit partir Jacob, qui s'en alla en Padan Aram, vers Laban, fils de Bethuel, Syrien, et frère de Rebecca, mère de Jacob et de accent aigu Esaü Tréma. Et Esaü Tréma vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé en Padan Aram, afin qu'il prît femme de ce pays-là pour lui, et qu'il lui avait commandé quand il le bénissait, disant, « Ne prends point de femme d'entre les filles de Chanaan », et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, eux. Et s'en était allé en Padan Aram. C'est pourquoi Esaü Tréma, voyant que les filles de Chanaan déplaisaient à Isaac, son père, s'en alla vers Ismaël, et prit pour femme, outre ses autres femmes, Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébajot. Jacob donc partit de Beersheba, et s'en alla à Charan, et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc des pierres de ce lieu-là, et en fit son chevet, et s'endormit en ce même lieu. Et il songea, et voici, une échelle dressée sur la terre, dont le bout touchait jusqu'aux cieux, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait sur l'échelle, et il lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, je te donnerai, et à ta postérité, la terre sur laquelle tu dors, et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'occident, à l'orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies eux, en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Et quand Jacob fut réveillé de son sommeil, il dit, « Certes, l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en savais rien. » Et il eut peur, et dit, « Que ce lieu-ci est effrayant. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa pour monument, et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela le nom de ce lieu-là, Bethel, mais auparavant la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu, en disant, « Si Dieu est avec moi, et s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, certainement l'Éternel me sera Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu m'auras donné, je t'en donnerai entièrement la dîme. »